Chapitre 15. Des pharisiens et des maîtres de la loi vinrent alors de Jérusalem trouver Jésus et lui demandèrent « Pourquoi tes disciples désobéissent-ils à l'enseignement transmis par nos ancêtres ? Car ils ne se lavent pas les mains, selon l'usage religieux, avant de manger. » Jésus leur répondit « Et vous ? Pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour agir selon votre propre enseignement ? Dieu a dit en effet « Respecte ton père et ta mère ». Et aussi, celui qui dit du mal de son père ou de sa mère doit être mis à mort. Mais vous vous enseignez que si quelqu'un déclare à son père ou à sa mère, la part de mes biens que je pourrais utiliser pour t'aider est un don réservé pour Dieu, cet homme n'a pas besoin d'aider son père. C'est ainsi que vous détruisez la valeur de la parole de Dieu pour agir selon votre propre enseignement. Hypocrite. Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet en ces mots. Ce peuple, dit Dieu, m'honore avec des paroles, mais dans son cœur, il est très loin de moi. Le culte que ces gens me rendent est inutile, car ils enseignent des commandements faits par les hommes, comme si c'était des enseignements de Dieu. Puis Jésus appela la foule et leur dit, « Écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur, c'est plutôt ce qui sort de sa bouche qui le rend impur. » Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés de t'entendre parler ainsi ?» Il répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père qui est au ciel sera arrachée. Laissez-les, ce sont des conducteurs aveugles. Et si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. » Pierre prit la parole et lui dit « Explique-nous cette parabole. » Jésus dit « Êtes-vous encore vous aussi incapable de comprendre ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre et sort ensuite de son corps ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, agir de façon immorale, voler, mentir et à dire du mal des autres. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, selon l'usage religieux, cela ne rend pas l'homme impur. » Puis Jésus partit de là, et s'en alla dans la région proche des villes de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne, qui vivait dans cette région, vint à lui et s'écria, « Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille a un esprit mauvais, elle va très mal. » Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au mouton perdu du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et dit, « Maître, aide-moi. » Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens. » « C'est vrai, maître, » dit-elle, « pourtant les chiens mangent les morceaux qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Ô femme, que ta foi est grande, il te sera fait selon ce que tu désires. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Jésus partit de là et se rendit au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline et s'assit. Des foules nombreuses vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets et beaucoup d'autres malades. On les déposa aux pieds de Jésus et il les guérit. Les gens furent remplis d'étonnement quand ils virent les muets parler, les infirmes être guéris, les boiteux marcher et les aveugles voir, et ils se mirent à louer le Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et dit, « J'ai pitié de ces gens, car voilà 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont plus rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer sans nourriture, ils pourraient tomber de faiblesse sur le chemin du retour. » Les disciples lui demandèrent, « Où pourrions-nous trouver de quoi nourrir une telle foule dans cet endroit désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» Et ils répondirent, « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis il prit les 7 pains et les poissons, remercia Dieu, les rompit, et les donna à ses disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Chacun mangea et eut assez de nourriture. Les disciples emportèrent 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 4 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir renvoyé la foule, Jésus monta dans la barque et se rendit dans la région de Magadan.